Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 49. Prise de parole. Trop de règles à apprendre. Voici maintenant quelques phrases à propos de la syntaxe. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Qu'est-ce que c'est la morphologie ? C'est l'étude de la formation des mots et des variations de forme qu'ils subissent dans la phrase. Et la syntaxe ? La syntaxe, c'est l'étude des règles qui intéressent l'ordre des mots et la construction des phrases. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle la fonction d'un mot ? C'est le rôle d'un mot dans un discours. Sujet, complément. Étudier la structure d'une phrase, ça signifie étudier les propositions qui la composent. Les propositions indépendantes, principales. Et subordonnées, oui. Par quoi peut être introduite une subordonnée ? Par une conjonction de subordination, un pronom relatif, ou bien un mot interrogatif. L'analyse d'une phrase, c'est difficile à faire. Moi, j'ai horreur de ça. Mais non, ce n'est pas difficile si tu connais bien la grammaire. D'habitude, les grammaires s'intéressent à la morphologie et à la syntaxe ? Oui, elles nous expliquent la formation des mots et la construction des phrases. C'est comme ça qu'on apprend une langue étrangère. Il faut comprendre comment se comportent les mots et comment se forment les phrases. Je déteste la grammaire. Quelle grammaire ? Comment quelle grammaire ? Toutes ! Il y a trop de règles à apprendre par cœur, trop de verbes irréguliers, trop d'exceptions. Mais c'est ce qui fait le charme d'une langue, ça, voyons. Prise de parole. Analyse d'une phrase. Vous allez écouter et répéter maintenant quelques phrases concernant les propositions subordonnées. Voyons, les subordonnées peuvent être... relatives. Et puis ? Conjonctives. Et encore ? Ah oui, interrogatives indirectes. Parfait. À quoi est-ce qu'on reconnaît une relative ? À son pronom relatif et à l'antécédent. Et une complétive ? Qu'est-ce qui introduit une complétive ? Une conjonction ou un mot interrogatif. Et quel est le type de subordonné qui n'a pas besoin de mot introductif ? Ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas ? Et les infinitives ? Donne-moi un exemple de proposition subordonnée interrogative. Interrogative indirecte, bien sûr. Je te demande pourquoi tu ne dis rien. C'est juste. Oui. Et la forme interrogative directe serait ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Ou bien ? Pourquoi ne dis-tu rien avec l'inversion ? La musique que tu es en train d'écouter me plaît beaucoup. Tu veux me faire l'analyse de cette phrase ? Alors, la musique me plaît beaucoup, c'est la principale. Et que tu es en train d'écouter, c'est la proposition subordonnée relative. Le pronom relatif ? C'est que. Et son antécédent ? La musique. Tu vois, ce n'est pas difficile. Prise de parole. Un exemple de participe absolu. Voici maintenant quelques phrases à propos des subordonnées circonstancielles. Écoutez-les et répétez-les lentement. Donne-moi des exemples de propositions subordonnées circonstancielles. Il y a les subordonnées temporelles, causales, finales, consécutives, concessives, conditionnelles et comparatives. Tu as oublié quelque chose. Les participiales, c'est vrai. Donne-moi maintenant un exemple de subordonnée de temps. Quand tu n'es pas là, je m'ennuie. De cause. Je m'ennuie parce que tu n'es pas là. De but. Je suis parti afin de ne pas m'ennuyer. De conséquence. Je suis parti de telle sorte que je ne me suis pas ennuyé. De concession. Même si tu étais venu, je me serais ennuyé. De condition. Si tu n'étais pas parti, je ne me serais pas ennuyé. De comparaison. Je suis aussi bavard que mon frère et silencieux. Bravo, excellent. Sous quel terme désigne-t-on aussi les propositions subordonnées participiales? On les appelle aussi des participes absolus. Donne-moi un exemple de participe absolu. La pluie ayant cessé, nous sommes repartis. Ça va? Ça va. Prise de parole. Que vos vacances soient heureuses. Voici quelques phrases sur le subjonctif. Écoutez-les et répétez-les. On utilise le subjonctif dans une indépendante ou dans une principale pour exprimer quoi? Un ordre, ou une défense, ou un souhait, ou une supposition. Et dans une subordonnée? Pour exprimer une volonté, un doute ou un sentiment. Donne-moi un exemple pour la volonté. Je veux que vous écoutiez mes conseils. Exact. Dans les propositions subordonnées conjonctives ou relatives, le subjonctif permet d'exprimer une idée de but, de concession, de condition ou de conséquence. Écoute bien la phrase suivante. Que vos vacances soient heureuses. Ici, le subjonctif exprime un souhait. Et je doute qu'il ait faim? Le doute, bien sûr. Voici maintenant quelques phrases au subjonctif. Je veux que tu sois heureux, que tu aies tout pour être heureux, oui, parce que je t'aime bien. Je doute que tu aies assez d'argent pour t'acheter ce livre. Il est très beau, je suis sûre qu'il coûte très cher. Je suis vraiment heureux que vous ayez eu beau temps ce week-end. Je ne veux plus que tu sois toujours en retard à nos rendez-vous. Ce n'est pas juste. C'est toujours moi qui attends. Que rien ne soit décidé pendant notre absence. Qu'il mange moins et il grossira moins. Je voudrais tellement que tu sois plus gentil avec ta sœur. N'oublie pas qu'elle a 5 ans de moins que toi. Écoute. Ce n'est pas amusant. Vous allez écouter maintenant avec attention quelques expressions. Pose-moi une question de grammaire, même très difficile. Ah non, je sais très bien que tu es très versé dans cette matière et il n'y a aucun risque pour que tu te trompes. Ce n'est pas amusant. Quand j'ai un doute à propos de l'emploi du subjonctif en français, je m'adresse toujours à Pierre. C'est vraiment un grammairien très averti. J'adore parler avec toi. Tu es une personne très cultivée, un lettré très sympathique, ce qui est rare. Qu'est-ce que c'est qu'un mandarin? Un mandarin? C'est un intellectuel très influent. Et tu en connais, toi? Malheureusement, non. Jean? Oh, ne me parle plus de lui. Je ne le supporte plus. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce n'est qu'un je-sais-tout prétentieux et stupide. Il sait tout, il a tout vu, tout entendu. Quelle barbe! Conversation. Une question d'habitude. Alors, mon explication a été claire? Vous avez tout compris? Tout, c'est un bien grand mot. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour ça. Allez. Monsieur? Oui? C'est à propos du subjonctif. Eh bien, je vous écoute. Vous venez d'expliquer qu'en français, il faut utiliser ce mode dans les subordonnés pour exprimer une volonté, un doute ou un sentiment. C'est juste. Dans les indépendantes et dans les principales, on l'utilise pour l'ordre, la défense, le souhait et les suppositions. Oui, ce n'est pas très compliqué tout ça. Non, théoriquement non. Mais quand on fait un discours, par exemple, on n'a pas le temps de réfléchir et on peut se tromper très facilement. Bien sûr, au début oui. C'est une question d'habitude. Il faut s'entraîner. Il n'y a pas de secret, vous savez. Avec vous, d'accord. On peut se tromper, mais ce n'est pas si grave. Le problème, c'est dans la rue, c'est dehors. Si on parle à l'indicatif au lieu de parler au subjonctif, on peut être ridicule. C'est vrai ça aussi. Mais apprendre une langue, cela signifie avant tout apprendre la modestie, l'humilité et bien sûr la volonté. Apprendre une langue, oui, c'est avant tout une leçon de courage. Alors, mon explication a été claire? Vous avez tout compris? Tout, c'est un bien grand mot. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour ça. Allez. Monsieur. Oui? C'est à propos du subjonctif. Eh bien, je vous écoute. Vous venez d'expliquer qu'en français, il faut utiliser ce mode dans les subordonnés pour exprimer une volonté, un doute ou un sentiment. C'est juste. Dans les indépendantes et dans les principales, on l'utilise pour l'ordre, la défense, le souhait et les suppositions. Oui, ce n'est pas très compliqué tout ça. Non, théoriquement non. Mais quand on fait un discours, par exemple, on n'a pas le temps de réfléchir et on peut se tromper très facilement. Bien sûr, au début oui, c'est une question d'habitude. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de secret, vous savez. Avec vous, d'accord. On peut se tromper, mais ce n'est pas si grave. Le problème, c'est dans la rue, c'est dehors. Si on parle à l'indicatif au lieu de parler au subjonctif, on peut être ridicule. C'est vrai, ça aussi. Mais apprendre une langue, cela signifie avant tout apprendre la modestie, l'humilité et bien sûr la volonté. Apprendre une langue, oui, c'est avant tout une leçon de courage. Nous qui ne sommes pas des génies. Il faut absolument que vous finissiez tous les exercices que je vous ai donnés avant la fin du cours. Mais monsieur, c'est impossible. Rien n'est impossible, jeune homme. Ils sont trop nombreux, ils sont trop longs, ils sont trop difficiles. Il vous reste encore une heure. 45 minutes, monsieur. 45 minutes, d'accord. Et quelques petites phrases à analyser et deux ou trois subordonnées un peu délicates à expliquer peut-être, mais c'est tout. Essayez un peu de vous mettre à notre place, monsieur. Moi, à votre âge... Oui, la guerre, la faim et des petits travaux à droite et à gauche pour vous payer vos études. Exactement. Vous, vous étudiez avec un estomac plein et une vie plus ou moins tranquille. Ça ne change rien au problème, monsieur. Ces exercices sont trop difficiles pour nous qui ne sommes pas des génies. Bon. Alors vous ferez simplement les 6 premiers exercices. Merci. Merci. Mais si ça continue à ce rythme, vous ne parlerez jamais correctement français. Jamais. Vous pouvez me croire. Il faut absolument que vous finissiez tous les exercices que je vous ai donnés avant la fin du cours. Mais monsieur, c'est impossible. Rien n'est impossible, jeune homme. Ils sont trop nombreux, ils sont trop longs, ils sont trop difficiles. Il vous reste encore une heure. 45 minutes, monsieur. 45 minutes, d'accord. Et quelques petites phrases analysées, et deux ou trois subordonnées un peu délicates à expliquer peut-être, mais c'est tout. Essayez un peu de vous mettre à notre place, monsieur. Moi, à votre âge... Oui, la guerre, la faim et des petits travaux à droite et à gauche pour vous payer vos études. Exactement. Vous, vous étudiez avec un estomac plein et une vie plus ou moins tranquille. Ça ne change rien au problème, monsieur. Ces exercices sont trop difficiles pour nous qui ne sommes pas des génies. Bon, alors vous ferez simplement les 6 premiers exercices. Merci. Mais si ça continue à ce rythme, vous ne parlerez jamais correctement français. Jamais. Vous pouvez me croire. Parlez correctement. À quoi ça sert, monsieur, d'étudier la syntaxe ? La morphologie, je comprends, mais la syntaxe, savoir qu'une proposition est indépendante ou une autre subordonnée... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si je me trompe de temps ou de mode, ça s'entend tout de suite. Mais quand je fais un discours, je peux parler très correctement sans savoir que je suis en train de dire une subordonnée interrogative indirecte ou une proposition participiale. Vous en êtes certaine ? Certaine ? Le problème se posera alors de toute façon si vous apprenez une langue étrangère. Pourquoi ? Si on vous demande simplement de donner un exemple de participe absolu, qu'est-ce que vous faites ? Je donne un exemple de participe absolu. Et qu'est-ce que c'est un participe absolu ? Eh bien, vous ouvrez un livre de grammaire et vous cherchez la définition, et vous essayez de la comprendre, et vous perdez un temps fou. Voilà. Compris ? Compris. À quoi ça sert, monsieur, d'étudier la syntaxe ? La morphologie, je comprends. Mais la syntaxe, savoir qu'une proposition est indépendante ou une autre subordonnée. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si je me trompe de temps ou de mode, ça s'entend tout de suite. Mais quand je fais un discours, je peux parler très correctement sans savoir que je suis en train de dire une subordonnée interrogative indirecte ou une proposition participiale. Vous en êtes certaine ? Certaine. Le problème se posera alors de toute façon si vous apprenez une langue étrangère. Pourquoi ? Si on vous demande simplement de donner un exemple de participe absolu, qu'est-ce que vous faites ? Je donne un exemple de participe absolu. Et qu'est-ce que c'est un participe absolu ? Eh bien, vous ouvrez un livre de grammaire et vous cherchez la définition. Et vous essayez de la comprendre et vous perdez un temps fou. Voilà. Compris ? Compris. Unité 50. Prise de parole. Mon élément naturel. Vous allez maintenant écouter et répéter quelques phrases à propos des sports nautiques et de la navigation. Non, moi j'ai trop peur de l'eau. Je ne pratique aucun sport nautique. Et toi ? J'adore ça. Je suis comme un animal aquatique. L'eau, c'est mon élément naturel. Je fais du canoë, du kayak et du ski nautique. Le ski nautique, c'est trop compliqué. Il faut toujours louer un hors-bord et ça coûte très cher. Oui, mais c'est tellement agréable. J'aime beaucoup les sports nautiques. Je trouve ça très beau, les voiliers et l'aviron. Tu es un très bon skieur. Tu devrais essayer le ski nautique. Que tu n'aimes pas l'eau, d'accord, mais que tu ne veuilles pas monter sur mon voilier, je trouve ça idiot. Tu sais très bien que tu ne risques rien, voyons. J'ai peur. Un point, c'est tout. Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le. Le water-polo. Mais pour pratiquer ce sport, il faut beaucoup d'adresse et de courage. Qu'il faille de l'adresse, je suis d'accord. Mais du courage, je ne vois pas pourquoi. Toute cette eau est froide en plus. Froide ? Il ne faut pas exagérer quand même. Et puis, jouer avec un ballon dans l'eau, c'est vraiment une drôle d'idée. Bon, j'ai compris. Tu n'aimes pas trop l'eau, toi. C'est dommage, parce que le water-polo, c'est un sport, mais c'est aussi un très beau spectacle. Prise de parole. Ça tombe à pic. Voici maintenant quelques phrases relatives à certaines compétitions sportives. Vous allez donc les écouter et vous les répéterez. J'adore regarder l'épreuve de natation aux Jeux Olympiques. Tu es une bonne nageuse, je crois. Une bonne nageuse, oui, mais pas une championne. La nage, pour moi, ce n'est qu'un divertissement. Mais voir à la télé tous ces sportifs qui nagent comme des dieux, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu préfères comme style de nage, toi ? Le crawl, ça va beaucoup plus vite que la brasse. Et toi ? Oh, moi, ce n'est pas difficile, je ne sais pas nager. Tu m'accompagnes à la piscine ce soir ? Il y a une épreuve de natation très importante. Ça tombe à pic. Je voulais y aller moi aussi. Je n'en peux plus. Je viens de faire 10 fois la longueur du bassin en nage libre et je suis épuisée. J'aimerais beaucoup participer à une traversée en solitaire. Comme ta Barly ? Exactement, mon rêve. Il y a beaucoup de concurrents au départ de cette régate ? Vous allez écouter maintenant quelques phrases relatives aux éventuels naufrages. Vous les répéterez lentement. Pourvu que la mer ne soit pas trop agitée. Quand mon mari part en voilier, j'ai toujours peur qu'il ait des problèmes. S'il n'oublie pas ses gilets de sauvetage, il n'y aura aucun problème, tu sais. Sois tranquille. Mon fils participe à toutes les régates. Il est prudent au moins, j'espère. Prêt. Il fait toujours en sorte que son voilier parte dans les meilleures conditions. Tu arrives à pic, Jacques. Explique à ton fils que la mer est trop agitée aujourd'hui pour sortir en voilier. Moi, il ne veut pas m'écouter. Ta mère a raison. Tu pourrais faire naufrage avec un temps pareil. Il suffit d'un rien pour chavirer, sombrer et couler à pic. Tu dois être toujours très prudent, de façon à ne jamais avoir de problème. Compris ? Prise de parole. Décolleté plongeant. Vous allez écouter maintenant quelques phrases à propos de la plongée sous-marine et vous les répéterez ensuite lentement. J'aimerais être un homme grenouille, nager des heures et des heures sous l'eau avec les poissons. J'adore les poissons. Achète un aquarium, c'est plus simple et sans doute moins dangereux. Pierre est un plongeur extraordinaire. Je sais, il plonge de très haut. Du plus haut plongeoir, oui, et ses plongeons sont toujours magnifiques. Depuis qu'Isabelle s'est plongée dans la lecture de Balzac, elle ne sort plus, même pas pour aller au cinéma. Cet été, j'irai à New York, c'est décidé. Ah bon ? Mais je croyais que tu avais dépensé toutes tes économies aux courses. Ce n'est pas grave. Je ferai la plonge dans quelques restaurants pour me payer mon séjour. C'est une vue plongeante magnifique. Regarde. Je trouve que ton décolleté est très plongeant ce soir. Trop plongeant, tu veux dire ? Je ne sais pas. Tout le monde t'observe, tu n'as pas remarqué ? Tu me plonges dans l'embarras, vraiment. Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le. Un masque, une bouteille d'oxygène sur le dos, les palmes et le trident ? Non, moi je préfère descendre en apnée. Et tu n'as pas peur de te noyer ? Pas du tout. Mais si tu pratiques la pêche sous-marine dans ces conditions, il faut que tu remontes à la surface toutes les 5 minutes. C'est une question d'habitude. Fais quand même attention. Moi, mes chagrins, je les noie dans l'alcool, pas dans la mer. Prise de parole. Nous mouillerons à Ajaccio. Vous allez écouter et répéter quelques phrases à propos de certains termes maritimes. Tu as lavé le pont ? Oui. Il faut plier les voiles maintenant, vérifier les mâts et le gouvernail, et puis faire quelques brasses en apnée pour voir dans quelles conditions se trouvent la quille et les hélices. Ah, les vacances ! Il y a des hublots dans ta cabine ? Des hublots, bien sûr. Je ne supporte pas de dormir dans une cabine sans hublots. Mais où as-tu mis les rames, enfin ? Je ne les trouve pas. À bâbord. Où ? À gauche, voyons. Bâbord, c'est la gauche. Tribord, c'est la droite. Et la poupe ? C'est la partie postérieure du navire. Et la proue, la partie antérieure, alors. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour larguer les amarres. Pour lever l'ancre ? Oui. Et dans quel port la jetterons-nous ? Nous mouillerons à Ajaccio, je pense. Ah, j'ai beau faire tous les efforts possibles, je ne réussirai jamais à parler comme vous. Quand je pense aux millions que m'a coûté ce voilier, et toi, tu m'annonces maintenant que tu as le mal de mer ? Tu es impossible.